Cette démarche, toute folle qu'elle était, m'attira dans le pays une sorte de considération qui me fut utile. Les uns me supposèrent des ressources que je n'avais pas. D'autres, me voyant livré tout à fait à la musique, jugèrent de mon talent par mon sacrifice et crurent qu'avec tant de passion pour cet art, je devais le posséder supérieurement. Dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Je passais là pour un bon maître, parce qu'il n'y en avait que de mauvais. Ne manquant pas, au reste, d'un certain goût de chant, favorisé d'ailleurs par mon âge et par ma figure, j'eus bientôt plus d'écolières qu'il m'en fallait pour remplacer ma paye de secrétaire. Il est certain que pour l'agrément de la vie, on ne pouvait passer plus rapidement d'une extrémité à l'autre. Au cadastre, occupé 8 heures par jour du plus maussade travail, avec des gens encore plus maussades, enfermé dans un triste bureau, empuanti de la laine et de la sueur de tous ses manants, la plupart fort mal peignés et fort malpropres, je me sentais quelquefois accablé jusqu'au vertige, par la tension, l'odeur, la gêne et l'ennui. Au lieu de cela, me voilà tout à coup, jeté parmi le beau monde, admis, recherché dans les meilleures maisons. Partout, un accueil gracieux, caressant, un air de fête. D'aimables demoiselles bien parées m'attendent, me reçoivent avec empressement. Je ne vois que des objets charmants. Je ne sens que la rose et la fleur d'orange. On chante, on cause, on rit, on s'amuse. Je ne sors de là que pour aller ailleurs en faire autant. On conviendra qu'à égalité des avantages, il n'y avait pas à balancer dans le choix. Aussi me trouvais-je si bien du mien qu'il m'est arrivé jamais de m'en repentir, et je ne m'en repens pas même en ce moment où je pèse au poids de la raison les actions de ma vie et où je suis délivré des motifs peu sensés qui m'ont entraîné. Voilà presque l'unique fois qu'en écoutant que mes penchants, je n'ai pas vu tromper mon attente. L'accueil aisé, l'esprit liant, l'humeur facile des habitants du pays me rendirent le commerce du monde aimable, et le goût que j'y pris alors m'a bien prouvé que si je n'aime pas à vivre parmi les hommes, c'est moins ma faute que la leur.